matin, moi levé, moi bien en peine. Parce que ça malmené moi. Quand j'en mange assez, le cœur moi emballé. Tout soit à quand j'ai coulé. Mon mauvais rêve, fait moi un vrai qui j'en vis en moi. Que près de sans ça et sans vous. Jalousie à l'entour, ça qui m'entre, mais pour moi, ni tout sans Janie. Mais puis moi, fais pas, moi, fais pas. Imaginez plus moi sans. Les raisons à d'un rêve, qu'à voyager raide. Qu'à faire moi, voilà la lumière là, yeah. Mais puis moi, fais pas. La ligne est serrée. L'image qu'a défilé, qu'a fait moins songer, j'en moi petit inoptisé. Donc, à l'éandier, à où on voit passer en moi, même un fouet qui m'ennuyé. Mon ligne est venue me poser, à siquer en moi, qu'on l'ombrage qui voit soleil. En détends-toi, mon bon, sans calculer qui j'en vis un moyen qui prend couleur. Et puis moi, fais pas, moi, fais pas. Imaginez plus moins sans. Mais reste-moi dans le rêve, quand voyager raide. Quand fais-moi voir la lumière là, yeah. Et puis moi, fais pas, moi, fais pas. Imaginez plus moins sans. Mais reste-moi dans le rêve, quand voyager raide. Quand fais-moi voir la lumière là, yeah. Moi, tripé. La lumière.